I'd like to continue to talk about some of the instructions for meditation in terms of the section of the Mahasatipatthana Sutta that I was discussing earlier, the section on clear comprehension. So these instructions are for developing the mind through the through meditation. And I will also talk about the benefit of doing this practice, the benefit of developing the mind. Donc j'aimerais poursuivre l'enseignement sur certaines instructions pour la méditation que j'ai données hier et ce matin, en particulier une section du Mahasatipatthana Sutta sur la claire compréhension dont j'ai parlé précédemment. Et cette claire compréhension, cette aide à développer l'esprit à travers la méditation. J'aimerais aussi parler des bénéfices de cette pratique. Alokite-vilokite-sampajana karohoti. Donc lorsque vous regardez droit devant, ou lorsque vous regardez sur le côté, essayez d'être attentif, de développer la claire compréhension. Donc lorsqu'on regarde, lorsqu'on voit quelque chose, il ne faut pas faire tellement attention à ce qu'on voit, à l'objet lui-même, au contenu, mais au processus de la vision. Donc au cours de la journée, pendant la méditation, il y a beaucoup de choses à voir, beaucoup d'occasions de regarder, de voir. Mais quand on sait qu'un objet visible est présent, il faut le noter. Il faut noter le processus, observer le processus de la vision. Il y a évidemment des exemples où on doit faire attention au contenu. Par exemple, si vous regardez la liste pour les entretiens individuels, là, vous devez à la fois regarder et aussi comprendre le contenu de ce que vous regardez. Mais il y a beaucoup d'autres exemples où la vision se produit, où le fait de regarder se produit, et où on ne doit pas spécialement être attentif au contenu. On doit juste observer ce processus. Donc lorsque la vision se produit, essayez de placer votre attention sur l'œil et faites une note mentale. Regardez, regardez, voir, voir. Alors par exemple, un exemple d'une chose qu'on peut observer sans trop faire attention au contenu, c'est imaginer que vous preniez le bus pour vous rendre en ville, le bus ou le train, et il y a beaucoup de gens qui montent dans le train ou qui en descendent, et vous les voyez monter, mais vous ne prêtez pas particulièrement attention à eux. Vous êtes conscient du fait qu'il y a des gens qui entrent et qui sortent, mais vous n'allez pas vraiment vous interroger à leur sujet, vous les laissez aller et venir. Souvent, quand il y a quelque chose qui apparaît, on a envie de voir. Par exemple, un bel oiseau apparaît, on commence à se demander quel type d'oiseau c'est, etc. Mais si vous êtes simplement attentif au processus de la vision, ce genre de pensée ne va pas apparaître. Ce genre de pensée qui suit la vision ne va pas apparaître. N'allez pas commencer à penser au sujet de ce que vous avez vu. Et la même chose vaut pour l'audition. Vous êtes simplement conscient d'un son qui apparaît, mais vous n'allez pas vous interroger à son sujet ou poursuivre une réflexion à son sujet. Quand un son se produit, l'attention naturellement se déplace au niveau de l'oreille, sans que vous ne deviez rien faire. C'est un processus naturel, mais vous vous arrêtez là. Le contenu de ce que vous entendez n'est pas important. La même chose vaut pour les cinq organes des sens, la vision, l'audition, l'olfaction, le goût et le toucher. Vous connaissez ces objets tels qu'ils sont, simplement, sans plus. Vous êtes simplement conscient de ces objets, olfactifs, etc. Vous n'avez pas besoin d'aller dans le détail. Mais si vous allez dans le détail, alors peut-être, si vous n'aimez pas ce que vous voyez, ce que vous entendez, etc., peut-être l'aversion va apparaître. À l'inverse, si vous aimez, peut-être l'attachement, le désir vont apparaître. Donc la colère d'un côté, l'avidité de l'autre sont susceptibles d'apparaître si vous vous intéressez à l'objet, au contenu de l'objet. Et ça, évidemment, c'est à éviter. On devrait être conscient aussi quand on met ses vêtements, quand on s'habille. Il y a beaucoup de choses, évidemment, beaucoup d'actions, beaucoup d'activités quand on s'habille. Mais vous devriez au moins pouvoir noter les principales, les choses principales. Vous pouvez noter mettre, mettre, ou boutonner, boutonner. Si vous n'observez pas les activités quotidiennes, vous ne pourrez pas développer la continuité de l'attention. Donc vous devez noter par exemple quand vous vous habillez, aussi quand vous allez aux toilettes, vous vous rendez aux toilettes et vous observez les pas alors que vous vous y rendez, vous arrivez devant la porte, vous regardez la porte, vous notez ça, regardez, regardez, vous tendez le bras pour atteindre la poignée, puis vous touchez la poignée, tout ça doit être noté, vous ouvrez la porte, vous rentrez dans la toilette, vous vous asseyez. Une fois que vous êtes assis, vous notez la posture assise, le toucher éventuellement de la lunette, et puis vous observez les mouvements intestinaux, et puis vous observez aussi lorsque vous vous nettoyez, après la défécation par exemple, et puis vous vous rhabillez, tout ça doit être noté, vous vous tenez debout, puis vous allez vers l'évier, vous lavez les mains, vous notez laver, laver, etc. Si vous ne notez pas ainsi les activités quotidiennes, vous ne pourrez pas développer la continuité de l'attention. Et c'est relativement simple. Il suffit de continuer, de persévérer à noter, à observer. Évidemment, vous ne pouvez pas tout observer. Au début, certainement, c'est tout à fait impossible. Mais à force de le faire, de vous prêter à l'exercice, vous allez voir de plus en plus de choses. Et vous allez commencer aussi à voir ce que vous avez manqué, les notes que vous avez manquées. C'est en fait un signe de progrès. Si vous commencez à voir ce que vous avez manqué, c'est un signe de progrès. Donc vous devez simplement continuer, continuer de façon régulière. Donc noter les activités quotidiennes, c'est une partie très importante de l'exercice afin de maintenir l'attention, afin d'empêcher l'attention de se rompre au cours de la journée. À la fin de la journée, vous retournez vers votre chambre et vous observez chaque pas, pas droit, pas gauche, pas droit, pas gauche. Alors que vous approchez de votre lit, vous vous arrêtez, vous notez debout, debout. Et puis l'intention de s'asseoir va apparaître, vous notez cette intention. Que vous en soyez conscient ou non, essayez de noter l'intention de s'asseoir avant de vous asseoir effectivement. Et puis, vous notez le corps qui descend, descendre, descendre tout doucement, jusqu'à ce qu'il touche le lit et que vous soyez en posture assise. Vous notez assis, assis. Et puis, avant de vous allonger, il va de nouveau y avoir une grosse intention. Essayez d'être conscient de cette intention et de la noter. Intention de se coucher, et puis vous allez vous pencher, peut-être votre bras va prendre appui sur le lit pour vous étendre, essayez d'être conscient de tous ces mouvements, et puis notez la posture couchée, et éventuellement le toucher par exemple de la tête sur l'oreiller, vous pouvez noter en alternance le toucher au niveau de la tête et puis le toucher au niveau du corps entier. Vous notez ainsi, coucher, toucher, coucher, toucher. Vous pouvez aussi, une fois que vous êtes allongé, noter le soulèvement et l'abaissement de l'abdomen. C'est au choix. Quoi qu'il en soit, quoi que vous notiez, finalement, alors que vous êtes ainsi allongé, la conscience du sommeil va apparaître et vous allez dormir. Alors que vous allez vous réveiller, la conscience qui sait va apparaître. Et si vous voyez cette conscience apparaître, la première conscience après le réveil, notez-la. Peut-être c'est le réveil qui va vous réveiller. Essayez d'observer ce premier instant de conscience éveillée et de voir quel est l'état d'esprit prédominant à ce moment-là. Si vous n'en êtes pas conscient, vous pouvez observer le soulèvement et l'abaissement pour quelques minutes. Et puis il va apparaître l'intention de vous lever. Vous notez, intention de me lever, intention de me lever. Et puis tout doucement, vous amenez le corps dans une posture assise et vous observez quelques instants la posture assise. Puis l'intention de se lever va apparaître. Vous notez cette intention et puis vous notez le corps qui s'élève graduellement. Ensuite, vous notez les activités. Vous allez à la salle de bain, vous vous lavez les dents, vous vous lavez le visage, vous notez ces activités. Essayez d'être lent, sans être trop lent non plus. Vous devez voir quelle est la vitesse la plus adéquate pour vous pour maintenir l'attention. Si vous vous précipitez, vous allez facilement retomber dans vos schémas habituels, vos schémas de fonctionnement habituels. Pour ma part, je sais la différence entre ma façon habituelle de me déplacer et le rythme, la vitesse à laquelle je suis capable de me plonger dans mes pas, de me plonger entièrement dans mes pas. Une retraite, c'est l'occasion de se désengager, de s'extraire de nos schémas habituels, de nos usages. Ceci dit, il y a tout de même des moments où il faut pouvoir s'adapter, parce qu'on pratique ici dans un groupe. Par exemple, quand vous faites la file pour prendre la nourriture ou la file pour nettoyer votre vaisselle, il y a d'autres personnes et donc il faut adopter un rythme plus normal, quasiment normal, disons, tout en restant attentif. Donc vous devez essayer de vous adapter en fonction de la situation. Quand vous êtes seul et qu'il n'y a personne qui attend derrière vous, par exemple, quand vous êtes dans votre chambre et que vous vous couchez dans votre lit, là, vous pouvez évidemment aller au rythme qui vous convient le mieux. Si vous êtes en mesure d'observer votre routine quotidienne avec attention, votre attention va devenir très forte. Et vous ne pouvez pas négliger les activités quotidiennes. Il faut que vous développiez votre attention dans les trois domaines que sont la méditation assise, la méditation en marche et la méditation dans les activités quotidiennes. Toutefois, vous devez aussi être décontracté. Décontractez-vous afin d'être attentif et soyez attentif afin d'être décontracté. J'aimerais à présent parler des bénéfices de la pratique. Le Bouddha a déclaré ceci. Ô bhikkhu, je ne vois rien dans ce monde qui soit aussi non préparé pour le travail qu'un esprit non entraîné. Un esprit non entraîné n'est pas encore prêt pour travailler dans des conditions de la vie réelle. Donc un esprit non entraîné n'est pas prêt pour le travail quotidien. En pali, le mot c'est akamaniya et on peut le traduire par non préparé pour le travail. Dedans, on retrouve le mot kama, qui signifie travail, et le mot aniya, qui signifie approprié. Et puis, il y a le préfixe a, qui signifie non. Donc, non approprié pour le travail. C'est-à-dire un esprit qui n'est pas encore prêt pour le travail quotidien. Donc, c'est une déclaration très profonde du Bouddha, très visionnaire. Pour comprendre ce que le Bouddha a voulu dire par ces mots, on peut regarder des mots similaires en anglais. Et en anglais, on utilise l'expression seaworthy, c'est-à-dire capable d'aller en mer, ou airworthy, capable d'aller dans les airs, en parlant de bateau ou d'avion. Et effectivement, si on veut se lancer à la mer ou dans les airs, on a besoin d'un appareil fort et sûr. Et les passagers qui s'engageraient sur un bateau incertain ou dans un avion incertain se mettraient eux-mêmes en danger. Le bateau peut couler, l'avion peut tomber, et donc les passagers pourraient même en périr. Donc un esprit non développé n'est pas prêt pour le travail de la vie. Et le Bouddha a aussi déclaré: je ne vois rien au bhikkhu, aux disciples, ici dans ce monde, qui soit aussi prêt, aussi préparé pour le travail qu'un esprit développé. Un esprit développé est prêt pour le travail dans des conditions de vie réelles. Donc un esprit qui est prêt, préparé pour le travail, est capable de faire face à tous les défis de la vie. Un peu comme quand nos parents ont fait des arrangements pour que leurs enfants aillent à l'école. D'abord l'école gardienne, ensuite primaire, secondaire, et puis finalement l'éducation supérieure. Tout ça dans l'intention que leurs enfants soient armés pour faire face à la vie. Ils voulaient que leurs enfants soient prêts pour la vie, pour trouver un emploi, pour gagner leur vie, pour éventuellement avoir une famille, etc. Donc la pratique de la méditation, c'est une préparation pour la vie. On entraîne notre esprit afin qu'il soit fort, qu'il soit résistant, et qu'il puisse traverser les situations bonnes et mauvaises de la vie. La méditation offre une stabilité à notre esprit. La méditation réduit aussi les états mentaux négatifs, et de ce point de vue, elle a un effet purificateur. Mais elle stabilise aussi notre esprit. Quand on pratique la méditation de façon régulière, l'esprit est fort, et même dans des situations tragiques, l'esprit est encore capable d'observer les états mentaux négatifs comme la dévastation, le chagrin, etc. Et en fin de compte, l'esprit est capable de surmonter ces ressentis douloureux. Aussi, grâce à un esprit fort, un méditant expérimenté est capable de gérer les tentations et les addictions, par exemple. Il est capable de couper à travers ses addictions, ses tentations. Pour des personnes ordinaires qui ne pratiquent pas la méditation, c'est en fait très difficile de surmonter les tentations, les addictions. Par exemple, on le voit autour de nous, les gens qui fument, qui sont accros à l'alcool, soit ils ne veulent pas arrêter, soit ils n'en sont pas capables. Malgré le fait qu'ils sachent que c'est mauvais pour la santé et que ça peut entraîner des effets secondaires qui sont inutiles en fait, dont on pourrait se passer. Ces addictions peuvent aussi entraîner la perte de la capacité de raisonner et peuvent entraîner aussi des maladies du corps. Il y a beaucoup de résultats négatifs dont on peut parler et qu'on peut voir autour de nous des addictions. Aux États-Unis, par exemple, on voit dans les villes comme San Francisco ou comme Portland de nombreux sans-abri qui sont accros aux drogues et qui ne savent pas comment s'en sortir. Ils ne savent pas comment se libérer de leurs addictions. Et ils tombent dans un puits sans fond de souffrance à cause de cela. Leur famille les évite. Et c'est quelque chose qui peut arriver à n'importe quel âge. Tout simplement parce que ces personnes n'ont pas la capacité, ne savent pas comment se débarrasser de leurs addictions. J'ai pas besoin de donner des exemples des effets négatifs du commerce de la drogue. On peut voir aussi les résultats de l'absence de contrôle de l'esprit chez les criminels, les grands criminels. Par exemple, les violeurs qui sont incapables de contrôler leur avidité ou les meurtriers qui sont incapables de contrôler leur colère ou leur frustration. En fait, d'une certaine façon, on peut dire que ces gens sont victimes de leur propre esprit. Le véritable coupable, ce n'est pas tellement eux que leur propre esprit. C'est pourquoi le Bouddha a insisté sur l'importance du soin apporté au mental, à l'esprit. On peut dire que l'esprit est tout aussi important pour l'être humain que le toit l'est pour la maison. Dans une maison, lorsque le toit fuit, petit à petit l'eau s'infiltre et elle détruit graduellement toute la structure de la maison. Les murs, le toit, le sol, les étages, etc. Et lorsqu'on a un esprit qui n'est pas développé, tout peut le pénétrer. Il peut être envahi par n'importe quoi. Tout peut y entrer. C'est pourquoi le Bouddha a tellement insisté sur l'importance de développer son esprit, d'entraîner son esprit. La plupart des gens ne réfléchissent pas à l'importance de l'entraînement de l'esprit. Ils se soucient surtout de leur corps, par exemple les vêtements, les accessoires, ils se nettoient le visage, les dents, etc. Ils cherchent à manger des nourritures saines, afin d'être beaux, etc., etc. Mais ils ne savent pas comment prendre soin de leur esprit. Dans les textes bouddhistes, systématiquement, le Bouddha insiste sur le bien-être mental, afin de réaliser la pacification de l'esprit, la paix. C'est aussi ce que le Bouddha lui-même a fait pour lui-même. Il a entraîné son mental, et c'est ça qui a fait de lui finalement un Bouddha. C'est aussi ce qu'ont fait les disciples du Bouddha qui ont pratiqué selon cette voie. Ils ont entraîné leur mental afin d'écarter, d'éliminer les impuretés mentales et de développer une paix intérieure. Si on pratique régulièrement, on va voir comment notre esprit est réénergisé, est plein d'énergie et de vigueur pour accomplir des choses. Pas seulement au cours d'une retraite, mais aussi en dehors de celle-ci. Cet entraînement de l'esprit peut servir plusieurs propos. Il est important donc d'apprendre comment entraîner l'esprit, comment gérer les différents ressentis, les différents états d'esprit qui apparaissent, comment gérer les douleurs, comment gérer les émotions. Et une fois qu'on a appris cette méthode, cette technique, il nous revient à nous de vivre en paix et de vivre dans l'attention, dans notre vie quotidienne. Voilà, ça c'est la façon dont on peut appliquer cette pratique aussi dans la vie quotidienne. Le Bouddha a donc déclaré « Un esprit qui n'est pas entraîné dans la méditation n'est pas prêt pour la vie, pour faire face aux différents défis de la vie. Un esprit qui est entraîné, en revanche, est capable de faire face à ces différents défis. Il peut traverser des situations difficiles, sans ressentir qu'il est torturé, sans avoir ce sentiment d'être torturé. Et cette méthode, cette technique de méditation est accessible à tous si nous sommes suffisamment sérieux et dédiés à la tâche et si nous sommes suffisamment sincères dans notre désir de l'appliquer. J'espère que, au cours de cette retraite, vous serez tous en mesure de pratiquer de façon régulière, de façon très normale et de façon diligente, et que la guérison qu'apporte l'attention va se développer au cours de cette retraite pour vous. I hope that during this retreat you will all be able to practice in a very regular, normal, diligent, and serious way, and that your mindfulness, the cure that mindfulness can bring, develop in this retreat. Sadhu. Sadhu.